merci d'être avec nous dans ce journal dont voici tout de suite les grandes articulations. La nouvelle politique de construction pour la ville de Bujumbura annoncée par le ministre des Infrastructures comporte des risques selon Francis Rohero. Cet acteur politique estime qu'on ne peut pas imposer à une population qui s'appauvrit progressivement de construire des étages. Et le gouvernement burundais projette d'aménager des infrastructures modernes pour permettre l'organisation des procès à distance par télévidéo, annonce faite par le vice-président de la République. Et dans ce journal également, un expert en relations internationales nous dira que le modèle de gouvernance en Afrique, presque conçu pour le bien du colonisateur, explique la récurrence des coups d'État sur le continent. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. La politique d'urbanisation ne peut pas être réalisée sans l'amélioration du niveau de vie de la population, d'après Francis Rohero, acteur politique, après que le ministère burundais des Infrastructures a récemment annoncé une nouvelle politique de construction dans la ville de Bujumbura. Francis Rohero suggère à l'État d'assainir d'abord l'économie nationale, sinon le risque est grand d'exposer le pays à des conséquences fâcheuses si l'on impose à une population pauvre d'investir dans l'immobilier. On l'écoute. Dans ma conviction, je suis d'avis que le Burundi doit progresser vers l'urbanisation. Nous sommes une population qui désormais s'accroît jusqu'à 13 millions d'habitants et même possible le moment venu. Donc on ne pourrait pas continuer à vivre dans un habitat dispersé sur tout le territoire. La construction des villes, des belles villes si vous voulez, est nécessaire et s'avère comme aujourd'hui une opportunité pour tout le monde. Mais si je le dis ainsi, il faut qu'on constate, on ne peut pas amener les gens d'un coup, subitement. Nous sommes ici dans un pays qui n'a pas de pétrole, qui n'a pas de minerai extraordinaire, qui pourrait faire construire des villes d'un coup. Donc il faut un aménagement de notre économie. Comprendre que l'économie doit commencer par le secteur primaire, la production à la base pour nourrir la population. Nous élever vers le secondaire avec le commerce, le transport et autre chose. Et arriver au niveau tertiaire où on voit que les banques grandissent avec les revenus de chaque famille, qu'on diminue le chômage dans le pays et que les gens arrivent à désirer quelque chose qui leur donne un peu de stabilité, comme le logement. Le risque est très grand parce qu'on ne peut pas amener une population pauvre à investir, c'est-à-dire il y a des gens qui vont perdre leur parcelle sans recourir nécessairement à la loi. Il y aura une incapacité du gouvernement de financer toutes ces choses, donc les banques vont s'appauvrir considérablement. La monnaie burundaise va encore une fois donc perdre sa valeur. Donc j'ai l'impression qu'il y aura aussi une perte de confiance de la population, parce qu'une population qui s'appauvrit continuellement ne peut que perdre confiance de son gouvernement, et ce que je ne souhaite pas pour ce pays. Francis Rohero, rappelons que dans la nouvelle politique d'urbanisation, l'État a déjà fait savoir qu'en commune Mukaza, les propriétaires des parcelles de moins de 10 ares vont bâtir des immeubles de 2 étages en 15 ans, et ceux qui possèdent des parcelles de plus de 10 ares vont construire des bâtiments à 4 niveaux. Le gouvernement burundais projette d'aménager des infrastructures modernes pour permettre l'organisation des procès à distance par télévidéo. Le vice-président de la République du Burundi le dit en réaction aux lamentations de certains détenus emprisonnés loin des tribunaux. Il s'agit d'une façon de trouver solution à la lenteur observée dans le traitement de ce genre de dossier, a déclaré Prosper Bazombanza ce 29 août 2023. C'était lors de la célébration au Burundi de la journée internationale dédiée aux détenus et baptisée Mandela Day. C'était à Rumonge. Jean-Pierre Misago. Selon le représentant des détenus de la prison centrale de Rumonge, dite Kumurembwe, certains détenus voient leur dossier connaître une extrême lenteur car les maisons pénitentiaires et les abritants sont éloignés des tribunaux concernés par le traitement de ces dossiers. S'adressant au vice-président de la République du Burundi, ce représentant des détenus voudrait la multiplication des audiences itinérantes afin que leur dossier soit traité le plus rapidement possible. Réagissant à cette préoccupation des détenus, Prosper Bazombanza, vice-président de la République du Burundi, dit que le gouvernement du Burundi, en collaboration avec ses partenaires financiers, compte aménager des infrastructures équipées d'appareils modernes permettant des procès à distance. Le vice-président de la République du Burundi réaffirme que le gouvernement burundais est préoccupé par la surpopulation carcérale avec des gens actifs, mais qui attendent tout de l'État sans contribuer à son développement. Pour cela, Prosper Bazombanza demande la libération le plus rapidement possible et, sans se tromper, des détenus acquittés. Jean-Pierre Misago de Purumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago de Rumonge. Rendons-nous à Karoussi où 822 candidats ont passé ce mercredi le test de recrutement pour enseignants dans la province scolaire de Karoussi et 70 autres n'ont pas pu être présélectionnés suite à quelques irrégularités constatées dans leur dossier, comme l'explique le directeur provincial de l'éducation. Ferdinand Javiarimana souhaite que 77 enseignants qui viennent d'être mis en retraite cette année scolaire puissent être remplacés et de préférence avant que l'année scolaire en préparation ne commence, expliquant que ce secteur souffrait déjà d'insuffisance d'enseignants. Blaise Pascal Kararoumiye. Les 822 candidats ont passé ce mercredi le concours de recrutement d'enseignants dans la province scolaire de Karoussi, dans les différentes communes de cette province. Ils ont terminé les études post-fondamentales et d'autres ont terminé les universités, la plupart dans des filières d'enseignement, comme l'indique la direction provinciale d'enseignement. Le directeur provincial d'enseignement de Karoussi signale qu'ils étaient au nombre de 892 qui ont déposé leur dossier dans les différentes directions communales d'enseignement de son ressort et que 70 n'ont pas pu être présélectionnés suite à certaines irrégularités constatées dans leur dossier. Sur la question de l'effectif d'enseignants qui pourraient être recrutés dans cette direction provinciale, Ferdinand Javiarimana a dit ne pas être au courant de son nombre d'enseignants, expliquant que cela est du ressort du ministère. Il fait espérer que le ministère tiendra compte de la situation actuelle de cette direction provinciale qui vient d'enregistrer un départ de 77 enseignants qui ont été mis en retraite depuis ce 30 juin 2023 pour que ces derniers soient remplacés. Et ce directeur provincial signale aussi que la même province scolaire de Karoussi accusait déjà d'un manque d'enseignants avant le départ de ces derniers. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumiye pour Radio Isanganiro. Merci Blaise. Toujours dans les nouvelles des provinces, les filles qui jouent au football en province de Ngozi déplorent qu'elles ne sont pas traitées comme les garçons. Elles disent qu'elles reçoivent peu de primes de matchs lorsqu'elles participent à des compétitions, ce qui est confirmé par Prosper Wigirimana, entraîneur de la formation IC Zelano FC, évoluant dans le championnat de la deuxième division dans cette province. Emmanuel Nachonsanz est gouverneur de la province de Ngozi. Fait savoir quant à lui qu'au sein de l'administration, ils sont en train de sensibiliser les natifs pour qu'ils sponsorisent les équipes féminines de cette province. Jean-Marie Vianney Ngendakoumana. Certaines filles qui pratiquent le football féminin en province Ngozi se lamentent qu'elles ne sont pas traitées comme les garçons qui jouent au football. Emeline Irankunda, rencontrée dans la colline Mivo, se trouvant dans la commune Ngozi, indique que les amateurs du ballon rond ne viennent pas massivement assister aux compétitions de football féminin comme c'est le cas pour le football masculin. Dative Sengiumva déplore que le prix du match octroyé aux filles qui jouent au football est inférieur à celui bénéficié par les garçons. Prosper Bigirimana, l'entraîneur de l'équipe IC Zelano FC qui évolue dans le championnat de la deuxième division dans cette province Ngozi, dit que le financement que la FIFA donne à la Fédération burundaise de football FFB dans le but de promouvoir le football féminin est utilisé pour appuyer d'autres disciplines. Emmanuel Nachosanz, gouverneur de la province Ngozi, fait savoir qu'au sein de l'administration, ils sont en train de sensibiliser les natifs de la province Ngozi pour qu'ils puissent s'impliquer à sponsoriser les équipes féminines de cette province. La province de Ngozi compte sensibiliser d'abord les filles et les femmes, et quitte à ce qu'elles doivent faire du sport. Vu les avantages du sport, d'abord il y a le maintien de la santé, il y a aussi la participation dans des tournois organisés dans le sport. Ça veut dire que nous allons sensibiliser les filles à adhérer dans différentes équipes, surtout les équipes féminines, et encore une fois, apporter un appui. Ça peut être un appui financier ou un appui moral, mais l'essentiel est que la province organise ou sensibilise ses filles à être membres de ses équipes et puis les accompagner dans les différents tournois qui sont organisés, soit au niveau de la province, même au niveau de la nation. Selon les informations recueillies sur le site de la Fédération burundaise de football et FFB, beaucoup des moyens que la FIFA donne à la FFB sont destinés à la promotion du football féminin. Nous avons essayé de contacter les dirigeants de la FFB pour qu'ils puissent s'exprimer sur cette inégalité qui existe entre le football féminin et masculin sans succès. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. La hausse des prix des produits Braroudi, du sucre et du ciment Bosseco sont quelques-unes des questions adressées par les députés au ministre en charge du commerce ce mercredi. Dans ses réponses, la ministre a montré que cette hausse a été due à la montée du coût des devises sur le marché et par conséquent de celui des matières premières ou des équipements importés. On fait le point avec Jean-Marie Mayong. Certains des élus du peuple ont voulu savoir si la Sosumo a pensé aux conséquences qui arrivent aux commerçants d'ici que commençant par les grossistes jusqu'aux détaillants. La ministre a répondu qu'il n'y a pas eu de modification pour ce qui arrive à la Sosumo. Le gain qui est recevé est resté le même, 210 francs par kilo, et cela pour faciliter les citoyens à en avoir facilement. Une autre question posée était de savoir comment sera le contrôle de ceux qui ont d'autres fonctions et qui font en même temps le commerce. Ministre Marie Chantal a répondu que quelqu'un qui respecte la loi pour exercer le métier du commerce est autorisé de faire ses activités tout en respectant la loi. Au cours de cette séance, d'autres questions posées étaient de savoir le ressort des commerçants qui déposent leur argent dans les banques et quand ils vont faire des retraits pour avoir les devises, ça devient difficile. La ministre répondit que la banque doit tout faire pour que ces commerçants continuent bien leurs affaires et a signalé que pour avoir des devises dans les banques, ils font la priorisation des besoins comme l'achat des médicaments et autres produits qui nécessitent d'être exercé en urgence. Jean-Marie Mayong. La responsabilité reste partagée quant au coup d'État qui s'observe dans les pays de l'Afrique occidentale. Analyse d'un politologue et expert en relations internationales, non niant que ces problèmes soient liés à la politique de la France. Docteur Guillaume Ndaïkengurutse considère qu'il est temps de laisser aux Africains l'organisation d'un modèle de gouvernance qui leur soit propre. Cet enseignant d'université indique que le modèle actuel échoue parce qu'il a été presque conçu pour le bien du colonisateur. On l'écoute. À un certain moment, à travers la colonisation, l'Afrique a été dépossédée de ses systèmes de gouvernance. Par la suite, avec la colonisation, les modèles de gouvernance qui ont été mis en place ont été des modèles qui étaient beaucoup plus à l'avantage du colonisateur. Au début des années 90, on a assisté à l'avènement de la démocratie, qui était aussi un modèle de gouvernance proposé par les États occidentaux. Et aujourd'hui donc, l'on pourrait dire que son modèle démocratique est en train de s'épuiser parce que c'est un modèle démocratique où on disait que c'est le gouvernement du peuple par le peuple, mais ça n'a pas empêché à certaines grandes puissances de continuer à tirer les ficelles. Le sentiment général qui est partagé par la jeunesse, c'est que l'échec de ce modèle de gouvernance démocratique est beaucoup plus lié à ce fait que les grandes puissances ont toujours essayé d'interférer dans la politique interne de ces États. Donc, en Afrique de l'Ouest, il y a comme une prise de conscience, surtout au niveau de la jeunesse, comme quoi il faut qu'on avance vers un autre modèle de gouvernance pensé et voulu par les peuples africains. Il n'est pas bien entendu facile d'établir le lien de cause à effet entre les relations que ces pays ont entretenues avec la France et ses coups d'État. Le constat est que ces coups d'État se font sous le signe du rejet de la politique française en Afrique. C'est toujours important de nuancer. C'est pas évident que tous les problèmes que connaissent ces États de l'Afrique de l'Ouest sont liés à la politique française. Je pense qu'il y a une responsabilité partagée, mais il y a beaucoup plus les élites africaines, les élites de ces pays, si interférence de la France il y a eu, c'est elles qui ont collaboré, c'est elles qui ont travaillé avec cette interférence. Et aujourd'hui donc, que ces élites militaires prennent le devant pour essayer d'inverser la tendance, c'est à elles de montrer dans quelle mesure elles ont un nouveau modèle de gouvernance, ce qu'elles n'ont pas encore fait jusqu'aujourd'hui. Docteur Guillaume Ndaïkengurutse, politologue, expert en relations internationales, réaction intervenue après le coup de force qui est intervenu ce mercredi au Gabon après la proclamation de la victoire d'Ali Bongo Ondimba et du Parti démocratique gabonais aux élections générales du samedi 26 août dernier. Le Comité pour la transition et la restauration des institutions constituées des principaux corps de l'armée a annoncé mercredi dans un communiqué lu sur la chaîne de télévision Gabon 24 abritée au sein de la présidence l'annulation des élections, la dissolution de toutes les institutions de la République et la fin du régime Bongo. Parle, rassure-moi. Les mariages mixtes peuvent aider à mettre fin à la prolifération des messages haineux. Un couple de la ville de Gitega témoigne. La ville de Wilbert Doussabé fait savoir qu'elle a fait face à de nombreux messages, tant familiaux que ceux des réseaux sociaux, quant à leur union. Ce couple appelle les jeunes en quête de partenaires pour la vie à privilégier l'amour au lieu de l'ethnie et aux parents de laisser le choix à ces jeunes. Mireille Kanyangé a rencontré la famille Wilbert Doussabé. C'est un couple mixte. Ils sont ensemble dès 2013. Ils affirment que plusieurs messages haineux basés sur leurs ethnies ont été échangés et que les réseaux sociaux ont accentué les dires sur ce couple. Ça a été dit, ça a circulé. Les commentaires ont montré sur quel côté ils sont penchés. La plupart des gens ont plus parlé de l'ethnie. Pour mon cas, ils ont précisé que moi, Tutsikazi, ne lui ferai pas d'enfants, que nos enfants, ce ne sont pas les miens. Ça m'a très touchée. On disait qu'il est veuf et que moi, je vais juste garder les enfants. L'on disait aussi que je ne vise que les richesses et que je partirai. On disait aussi que c'est l'habitude des Tutsikazi. À ce moment-là, ça a pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Ça a fait le buzz, à l'interne comme en international. Quelqu'un a écrit que j'ai osé avoir mon nez et celui de ma femme. Quelqu'un d'autre a écrit, tenez, regardez ces gars qui ont prié Dieu et qui n'est pas... Leur parcours pour la vie a été semé d'embûches, eu aussi égard au travail qu'exerçait Wilbert. Celui qui a partagé les photos voulait montrer qu'un travailleur hutu, un sentinelle, venait d'épouser la fille de son patron. Seulement, les Burundais ont leur moyen doux de parler des choses sans les nommer, ça a fait du bruit. Selon toujours ce couple, les familles et des amis n'ont pas été fiers de leur union. Wilbert et Nadège appellent les jeunes en quête des partenaires pour la vie à plutôt prioriser l'amour et les familles de ne pas constituer un frein à de telles unions. Ils disent avoir essayé de faire face aux messages haineux basés sur leurs ethnies, bien que difficiles à digérer. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.